internet que dans ma détresse j'ai crié et il m'a répondu. Pasi belela masia apoya nola yo la montagne des signaux qui ne chancelle pas.